bâtard, c'est en place, prends le mic et le fracasse. Okay. Tais-toi, parle pas, marche droit, se met à mon hess, furax. Classe, chauffe les propos, t'as la menace. Ouais. Blanc coq qui hurle ma tête, c'est le Hamas. Je vis dans un endroit rempli de chaînes à casse. Tous cramés, saignés, balafré, balachasse. Tu relèves mon seum, tu mets une cortasse. On te masse, te mâche, te crache, t'écrase en pleine face. Je décapite à la hache, cric, cric, je te flash. Mahagra te dépouille à base de couche lâche. F-clan efficace, Farga, allez la hache. Expert en fracassement et cassage de race. Mes textes sont insolents, mais ça reflète mon comportement. Qui lui-même reflète mon putain de département. Si je rappe, c'est pas pour faire la caïra, mais plutôt par bénévolat et pour exprimer ce que j'ai dans le cra. À cette heure-ci, j'ai rien à prouver. Je rappe des textes pour qu'ils veulent entendre. Si tu kiffes, app, appuie sur stop. Ligne B, c'est le nom de l'équipe dans le monde du hip-hop. On vient s'immiscer, tu peux ramener tes potes, ça va rien changer. Nouvelle génération, issue des bas-fonds, apte prêt à redorer le blason. Je peux hardcore, issue du béton. Ligne B, on te met sous pression avec notre son à haute tension. L'école, j'ai coupé court, je finis mes cours dans la grande cour, c'est la ligne B. Sur la balance, tu sais que ça pèse lourd. Tu nous critiques depuis Saint-Ouen, sache qu'on va serrer les poings. À coup de cutter, tu vas finir balafré dans le vin. Tu veux que ça cicatrise, je vais laisser y'a fou au petit soin. Blanc comme le niveau s'élève, certains au bord de la falaise. Respire, on a donné un second souffle au 93. Ça flingue comme la prochaine sortie d'A2S et R16. C'est du rap dur comme la drogue, tu te mets dans le nez. L'effet que ça fait, tu vas être dépendant de la ligne B. Le rap est un nomade qui fait le tour du terre-terre. Attention, il se protège quand il débarque dans mon RER. C'est pour la famille qu'on fait enculer la Bastille. Production à pack, fait reculer les tasses. Baisse la liste pour et les baltrins qui font les 6 gros. 1-5-0 sous les projecteurs des Giro. Que tu seul, ici on salue pour une vieille causée. Slalom entre les balles des Schmitt avant de poser. All set, racaille d'Afriquette. Bloc coq au chromique, kick dangereusement, on vise la tête. 9-3, clic clic, la gâchette pressée. 9 fois débat débarqué, t'es baisé. Mal fait ça, j'suis le même rap ça qui rappe ça. Et va niquer ta mère si tu jettes des rames ça. Bloc coq 93, acteur d'un génocide. Et la Seine-Saint-Denis, j'la fais péter avec une bouteille d'acide. Sauf le 93-150, protagoniste d'un hécatombe. Racaille d'Afrique, scandale F-Clan, on t'expédie direct dans ta tombe. Pervé, l'hostilité, leur appui, l'opportunité. J'viens des fois à Elpil, comme Patrick Diz, qui savoure la vie après 15 ans d'enfermement. Mais le X-Arsenal, national, une panoplie d'armement. Les sentiments, j'viens les boycotter en ce moment et privilégier mon orgueil. 12 mesures avant le deuil, PRV, une balle perdue devant le commissariat. C'est pas une bavure, mais un attentat. J'me déguise mes portes, JSD, ouais. Et c'est toujours les mêmes que j'vais viser. Ouais. J'suis craignant, perforant, performant, blanc-corps c'est choquant. Et les délinquants sont présents. Mystique territoire, ma hache de brie change de trajectoire. 12 mesures, j'assure qu'il n'y aura aucune rupture dans mes aventures. F-Clan, racaille d'Afrique, scandale, c'est notre écriture. Le temps nous est compté, DMC a décompté. Ça blanc-corps, tu voulais montrer ton coup. Zin coup, on est beaucoup alors tu tiens pas debout. Ma vie, je la décris, mais pas en un seul coup. D'ici, sort le rap comme les schlaves, sort de l'usine. Je tiens pour la famille des e-familles dans mon usine. De ma patience et ne pas être usé. Équipe des Yulti et les Hens mettent à fuser. J'ai guise à ma guise, Léon s'est abusé. Yulti renverse TMC sans excuser. Épuisé, fais fuser des meurs dans le Tchekar. Et puis j'ai qu'à une calage, déjà j'ai char. J'ai le chapeau siché dans les rues de Fernand Léger. On a des flots lourds, en fer et non léger. Protégé, avec nous sinon du côté rien. T'es baisé, pour tout autre casse tes côtés. Ta gueule, tu dis peura, mal écoute ton flow. J'ai des haulkers tellement nasses qu'au final j'sors mon holster comme Walker. Disais shoot père dans le cœur, pris de court. J'mets la creuse du gun à ma taille. J'évite ton sang en matin pour de mes sauces de matraque. Et sur ta face, elle se brise ma bouteille. Mon blast c'est BIS, mon taf le BIZ. Mon groupe est hardcore, tout le monde est d'accord. Pour scandale d'abord, on laisse son point. Bon j'allume mon hip-hop, mets du bon son, du hip-hop. J'dis que la pop musique et tes potes au Uzi. Plus le temps de causer, à notre époque faut abuser. Comme Bush, faut attaquer. Faut que tu cesses de test ma test. TI2LEULS, A2S. Aye. Les gros connasses nous reconnaissent. J'âge mon texte avec adresse, agresse, blesse, encaisse. Quand le Tchekar se manifeste, c'est le fou, toi, on te fout droit. On t'est fou, quoi, faut que tu vous vois. C'est nous qu'avons le pouvoir, on fonce tout droit. Dans le mille, le blanc ménil. Notre 350 bastos, c'est à les fils. La ligne B du RER est réputée. Pour vol, via séquestration, manche à marmée. Des rimes conçues, tendues, entendues, réentendues. Et c'est la bite en érection que le son je conclue.